J'ai effacé, je suis désolé. Je sais pas ce que tu veux. We'll be right back. We'll be right back. Baby. Salut Juppé. joue bien. Il joue bien, fait des matico. J'ai bien massacré le morceau. Last night pre-flight, 0:09 a.m. And I'm gonna be high, high, high as a kite by then. I miss her so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Gonna be a long, long time. Touchdown brings me round, I get to find. I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm Rocket Man. Rocket Man. Burning out his fuse out here alone. And I think it's gonna be a long, long time. et Francis Cabrel. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Francis Cabrel. Je crois que c'est Francis, je crois. Ça fait comme ça. shine. Seem that life is so. De trop. J'ai fait une connerie sur la mesure. J'ai un problème sur la mesure. Hein. Petite Marie. On va boucler là-dessus. Thank you. Allez JP, je voudrais t'entendre chanter la chanson de Francis Cabrel. Avec ta petite voix, ta petite main. J'ai perdu les paroles. Oh petite Marie, je parle de toi au fond du jardin. Des fois je vais quand j'en ai besoin, petite Marie. I like the way you're sparkling here. Et demain faut retourner bosser, mais ça fait mal, tu sais. Est-ce que tu vas la comprendre cette chanson Audio Light? Pas beaucoup d'accord, tu sais, c'est... Oh, le salaud, il aime pas petite Marie, Francis, c'est vrai. C'est pas grave, je vais la chanter quand même. With a billion stars all around. Cause I got a peaceful, easy feeling. I know you won't let me down. Petite Marie, tu fais un coumé, petite Marie. Cause I'm petite Marie, il n'aime pas Francis Cabrel. Pourquoi tu n'aimes pas Cabrel? Je vais quand même la chanter. Avec ta petite voix, oh, petite Marie, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à la rue. Un ciel aussi joli que des milliers. I know you won't let me down. T'attends en transit sur une tuile de toi. Le vent de la nuit froide renvoie la balade. J'avais écrit pour toi. Underground. Attendez, j'ai pas toutes les paroles. J'écris trop gros. Il faut que je tourne la page. Get this feeling I'm in, no. Je recommence, hein, d'accord, Audio Light. Je vais t'apprendre la chanson. As a lover, as a friend. Parce qu'avec ta petite voix, this voice keeps whispering in my head. J'ai versé sur ma vie une milliers de roses. When you're tall, pour toi, que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Le ciel aussi joli que des milliers de roses. I don't already. Il me la faire, mais comme il faut, chante. Je vais vous écrire le texte. Petite, je sais pas comment on copie. On n'arrive pas à copier. Là, je recommence. Je recommence, putain, il copie. Gros coquette de soir. Got a peaceful, easy feeling. I know you won't let me down, 'cause I already stand there. Yes, I.